Et ce matin, M. Chirac a précisé ses propos. Il a souligné qu'il fallait sortir de la langue de bois habituelle au sujet des immigrés et que M. Le Pen n'avait pas le monopole de ces thèmes.